j'y ai caché des bribes d'âme. J'ai demandé à mes violents de chercher les chemins du cœur. J'ai fait pour que ce soit magique. Dedans, j'ai ravivé la flamme. En soufflant sur de vieux tisons, et j'ai commis cette chanson. Quelques images sur le vent de ma voix, patient voyage de chez moi vers chez toi, loin des naufrages d'un monde qui se noie. Une île au large pour toi et moi. J'ai enfoui ma vie d'amnésique. Dans le délire des tam-tams, j'ai changé le silence en son. J'ai oublié mes vieilles peurs. J'ai bien muselé mon cynique. Dénoué la trame des drames. J'ai bien balayé ma maison. Et j'ai commis cette chanson. Plus de mirages dans nos déserts si froids. Un pays sage où le cœur fait la loi. Sans maquillage, où l'âme parle droit. Une île au